pas, notre pas, notre pas est au ciel, notre pas. Maintenant en voyage, il faut rester sage. Que rien ne nous dérive vers les biens temporels. La paix est fugitive, ne cherchons qu'une vie. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port, notre port. Voyage, il faut du courage, matelot en voyage, il faut rester sage. À celui qu'il seconde d'un regard fraternel, que fait le vent ou l'onde, en vain l'océan grand. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Que rien ne nous dérive vers le bien temporel, leur paix est fugitive. Sur Jésus, douce étoile, d'un éclat immortel, que jamais rien ne voile, dirigeant notre voile, à celui qui seconde d'un regard fraternel, qui fait le vent ou l'onde. Matelot en voyage, il te faut du courage, matelot en voyage.